assis sur le perron. Demain, maison de bois, je compose cette chanson. Je pense encore à toi. Le soleil s'enfuit déjà derrière la cime des épicéas. C'est la belle saison des couleurs, des beaux tapis de brume. Et je pense à toi, ma fleur, aux amis que nous fûmes, au chaud dans mon pull de laine. Je vais là où mes rêves m'entraînent. Toi, la chevelure si brune, aux yeux bleus océan. Je t'imagine au clair de lune et j'en oublie le temps. Ce sont les années qui passent, sur mon visage on y voit les traces. De tes mains si douces, du parfum que tu portais, de ta si jolie frimousse, la main que tu donnais, et ton cœur si chaleureux, tout simplement on était heureux. J'ai les cheveux gris, il ne reste que le souvenir. Je ne sais même pas où tu vis, tu aurais pu revenir pour faire ta vie avec moi dans cette maison perdue dans les bois. Caresse mon visage, il est temps de rentrer. Ce serait certainement plus sage près du feu devant la cheminée, pour que le sommeil me plonge encore un peu plus loin dans mes songes.